On dirait une musique de Zelda. Ocarina of Time. Eh oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la réalité. Au rez-de-chaussée, donc les gens qui passent pour rentrer chez eux, ils m'entendent. Bon, c'est voilà. Bien, c'est bien quand même. Ça me fait une petite réputation. Cochon, je suis un cochon. Ouais, voilà. Cochon, je sais où tu habites. Cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon. Cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon. Cochon, la chanson, cochon, cochon, cochon, cochon, la chanson, cochon, cochon, cochon, la chanson, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, sur les grilles du loto, les numéros. Cochon, cochon, cochon, cochon, le cochon, le cochon, le cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon. Cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, oh, excusez-moi, je faisais un flashback de hardcore. C'était bien. Fabien, qui aimerait bien venir. Personne qui est là, mais qui ne fait pas de musique. Peut-être qu'on peut la... C'est Tania. Tania, si tu nous entends, on n'a rien contre toi. Mais... Waouh, il vient d'où ce gros son? Mais je suis. Je sais plus ce que je disais. Tania, si tu veux, on est. Georges, il est célibataire. Pardon. Je dis des trucs et je sais pas ce qui va se passer parce que j'ai 10 secondes de retard. Ouais. Ça, c'est incroyable. Et j'ai pas branché mon micro. Je suis arrivé trop tard. Très bien. Ah mince. Oh non, désolé, sorry. Oui, sorry. Fais péter le son. Sorry. Mais du coup, c'est pas bien d'exclure des gens comme ça. Faudrait. C'était bien la chanson du cochon là. Je suis bien content. Qui ça? En fait. You can listen to us on the radio. Elle dit qu'elle listen, elle French. Est listening French. Oh non, elle est partie. Bon, ok. Waouh, mince. Bah du coup, il y a de la place pour Fabien. Il est déjà parti. Fabien, tu peux venir si tu veux. Et même, mince. Enfin, au moment où je parle. Il y a ce mec qui est parti aussi. Oh, c'est terrible le décalage qu'on a, merde. Et Fabien. En fait, on devrait parler sur le chat, parce que c'est immédiat, le chat. Et puis, c'est pas forcément intéressant, ce qu'on dit. Ah bah voilà, il est là, Fabien. Ouais. Gros kick. J'ai un casou, mais il marche pas. Ah mais je peux pas parler en texte. Thank you. Ah, t'inquiète, il y a plein de gens qui sont partis en fait, Fabien, t'inquiète. Oh bah j'ai vachement moins de délai là. Peut-être Victor, que t'es là tout à l'heure, il avait réglé son problème en touchant une des deux molettes qui est juste en dessous de master et métronome. C'est peut-être ça qui peut régler, je sais pas. C'était bien. Fabien, bien cette basse, faut pas la perdre. On a perdu Fabien Poré. No. Ah les gars, faut que j'aille, il y a une alarme, il y a le feu je crois, salut. Hello. Salut. Qu'est-ce que... Kitty. Oh, salut. Salut. Wow, c'est super. J'espère fort. Que ça va, pardon, avec pardon, le pardon. Délai et tout. Ouais. Ça vient, bien. Salut. Je sais pas. Là, tu m'entends, Georges ? Bonjour. Salut. Ah ! Ouais. Tac. Ok. Ça vient aussi, t'as du délai en fait, je crois. Ah oui. Fabien, tu joues trop fort, je crois, Fabien. Ouais. Aïe. Mais on peut régler le son, en fait. Vous pouvez venir c'est ça. C'est beau. Salut Chris. Chris Mann. Trop bien. Trop bien. Bien, bien, bien, bien. C'est très beau sur la boîte à rythme. Vas-y, on la reprend. Je vais chercher les paroles. Thank you. Thank you. Allô, allô, allô. Pour les gens, qui écoutent la radio, c'est fini. Je crois que c'est fini. Ouais, on a fait 3 heures, 4 heures. Non, 3 heures de musique et c'était bien. Donc, merci aux auditeurs qui sont là. Voilà. Merci pour tout. Les 5 auditeurs, salut.